durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la culture maraîchère en symbiose avec les poissons. Nous sommes dans les Vosges, à Chaumouzet, avec la fondatrice et gérante de la ferme aquaponique de l'abbaye. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Noémie Charpentier, bonjour. Bonjour. On est là sur votre ferme, on va bien sûr la découvrir pas à pas, mais avant ça, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi consiste l'aquaponie. L'aquaponie, en fait, consiste à faire de la pisciculture et du maraîchage en même temps, sachant que les poissons vont servir aux légumes, à faire pousser des légumes, et que les légumes, eux, à leur tour, vont servir aux poissons, parce qu'ils vont filtrer l'eau des poissons. Donc, en fait, on utilise tout part du fait qu'on nourrisse les poissons. Comme on nourrit les poissons, ils vont faire des excréments. Ces excréments vont se retrouver dans l'eau. L'eau, donc, va être chargée en excréments, donc en engrais, qui vient des poissons. Et cette eau-là, on l'utilise, on l'amène sur les légumes, et elle va faire pousser les légumes. Et les légumes, comme ils consomment de l'eau donc pour pousser, ils consomment les nutriments, donc ils filtrent en même temps l'eau des poissons. Et l'eau revient au poisson, elle a été filtrée. Et on tourne comme ça, de façon continue, en cycle fermé au niveau de l'eau. Donc c'est un cycle fermé de l'eau, vous venez de dire, Noémie Charpentier, qui au passage nourrit aussi les poissons, alors pas évidemment pas l'eau, mais ça leur sert de support de vie. Ces poissons sont nourris, donc ça produit à la fois du poisson et des légumes. C'est ça, c'est un système en fait qui permet de produire du poisson, qui permet de produire des légumes, tout ça en cycle fermé et tout ça en harmonie aussi. Le but en aquaponie, c'est d'atteindre un équilibre en fait entre les poissons et les légumes pour avoir le moins d'intervention humaine sur notre système. Vraiment que les légumes et les poissons soient en harmonie et que la nature en fait fasse son travail. Alors vous-même, je ne sais pas si ça se dit aquaponote, je ne sais pas si le terme existe. Noémie Charpentier, vous êtes d'abord maraîchère en utilisant le poisson ou vous êtes piscicultrice accessoirement maraîchère? En fait, je suis d'abord maraîchère parce que mon chiffre d'affaires est basé sur la vente des légumes et la vente de poissons vient en second. Parce que mes poissons, ils sont là déjà dans un premier temps pour nourrir mes légumes et dans un second temps, comme il faut que je renouvelle mes poissons, du coup, ils seront vendus. Et les poissons sont nourris de façon, j'allais dire, naturelle et saine. Est-ce que les légumes que vous produisez ici à la ferme aquaponique de l'abbaye, Noémie Charpentier, est-ce que vous êtes en bio? En fait, je ne suis pas en bio parce que je suis en culture hors sol. Donc tout ce qui est culture hors sol ne peut pas être certifié bio. Par contre, je peux dire que je suis en 100% naturel. Parce que le seul entrant dans mon système, c'est la nourriture des poissons. Et cette nourriture des poissons, pour maîtriser le seul entrant du système, je la fais moi-même. Ce qui me permet de nourrir mes poissons et de nourrir aussi mes légumes à travers les poissons. Pour autant, le poisson que l'on achète aujourd'hui dans le commerce n'est pas toujours 100% garantie naturelle. On sait aussi qu'on est capable de nourrir des poissons avec beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour l'organisme, pour l'environnement. C'est certain, oui. C'est pour ça que j'ai choisi des espèces de poissons omnivores plutôt que carnivores, parce que des espèces de poissons carnivores, en fait, je ne pourrais pas créer ma propre nourriture, je serais obligée de l'acheter dans le commerce. Donc en faisant confiance aux fournisseurs en fait, de la nourriture, aux fabricants de la nourriture, que là, sur des espèces de poissons omnivores, je peux leur faire mon propre mélange et je peux leur redonner à manger les légumes que je produis. Donc tout ce qui est fan de carottes, fan de radis, enfin en tout cas... En aquaponie, rien ne se perd, tout se transforme. Et là, les poissons d'espèces omnivores me permettent du coup de transformer les légumes et de les nourrir grâce aux légumes. Et du coup, vous avez des poissons fans de vos légumes. C'est ça, ce sont les premiers fans des légumes. Quels sont les poissons que vous utilisez précisément dans votre système aquaponique, Noémie Charpentier? Donc là, actuellement, j'ai des poissons rouges et j'ai de la carpe commune. Et à terme, il y aura aussi de la carpe coy et de la tanche. Sachant que la carpe commune et la tanche seront destinées à la consommation, puisqu'en aquaponie, on n'a pas de vase dans nos bassins, donc les poissons ne sortiront pas la vase, on va vraiment retrouver le goût initial du poisson. Et par contre, les poissons rouges et les carpes coy, eux, seront destinés au bassin d'ornement, à la décoration. Votre ferme s'appelle la ferme aquaponique de l'abbaye, parce que c'est ici l'emplacement d'une très ancienne abbaye dont il ne reste malheureusement pas grand-chose. Alors, ça s'appelle la ferme aquaponique de l'abbaye pour différentes raisons. En fait, on est effectivement sur le site, l'ancien site de l'abbaye de Chaumouset, mais on est aussi sur les lieux de la ferme de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et la ferme de mes grands-parents s'appelait le Gaïc de l'abbaye. Et donc, je voulais garder l'abbaye, du coup, pour leur faire aussi un clin d'œil à l'ancienne ferme qui existait dans ces locaux avant. Et cette ferme de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents était une ferme classique, traditionnelle, polyculture élevage, j'imagine, on est ici dans les Vosges. Oui, tout à fait. Donc les bâtiments que l'on voit là autour de nous, Noémie, c'est... Alors j'imagine plus que la structure, parce que là, il y a déjà eu des travaux qui sont en cours. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire précisément ces bâtiments autour de nous ? En fait, les bâtiments que j'utilise et que je transforme pour faire, pour mettre en place de l'aquaponie, pour faire du poisson et des légumes, ce sont en fait des bâtiments qui abritaient avant les vaches et la nourriture aussi pour les vaches. Donc il y avait des parties qui étaient destinées vraiment à l'enclos pour les vaches et d'autres parties qui étaient destinées à la salle de traite, au stockage aussi des bottes de paille et aussi au silo, tout ce qui était maïs, ensilage de maïs. Donc tous ces bâtiments-là en fait vont être utilisés pour faire de l'aquaponie. Vous venez à l'instant d'évoquer la salle de traite, c'est précisément dans cette ancienne salle de traite que vous avez installé votre nursery. Oui, mon projet est vraiment parti de cette salle de traite parce qu'il existait déjà la fosse de la salle de traite dans laquelle on descendait donc pour traire les vaches. Donc ça m'a fait mon support pour mon bassin. Donc c'était le plus simple en fait à réhabiliter puisque le terrassement était déjà fait. Et le plus simple, c'est qu'on aille la voir. On va la voir. Oui. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors on est là, cette fois-ci, justement dans cette ancienne salle de traite. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'une salle de traite, c'est une fosse dans laquelle les paysans ou l'agriculteur descend pour avoir les pieds des vaches à hauteur à peu près des yeux et pouvoir manipuler comme ça les treillons et pouvoir traire facilement. Là, ça a totalement changé d'allure. Alors je vais essayer de décrire ce que nous avons devant les yeux, Noémie Charpentier. Vous allez me corriger si je me trompe. Au milieu, un bassin, un gros aquarium au niveau du sol. 2 mètres sur 10. 2 sur 7. Ah oui, bon, j'étais pas très loin. Pas loin. 2 sur 7. De chaque côté, des passages un peu surélevés en bois. Donc on a une vue sur le bassin. Alors c'est blindé de poissons rouges, c'est très joli. Et puis de chaque côté de ces passages, là aussi surélevés, ça, on pourrait imaginer des bacs de terre. Ce ne sont pas des bacs de terre, mais ce sont des bacs avec des légumes. Et c'est là que vous cultivez vos plants qui ensuite vont donner vos légumes. C'est là que je sème mes légumes en fait. Oui, c'est ici que je pars de la graine pour faire des plants pour après alimenter ma ferme. Alors ce qu'il faut rajouter aussi, ce sont d'abord il y a un petit système de pompe que l'on entend là-bas dans le fond, beaucoup de tuyauteries, quelques tuyaux parce que l'eau arrive et l'eau repart. Expliquez-nous. Oui, alors en fait on prend l'eau des poissons donc qui est chargée en excréments à l'aide d'une pompe. L'eau est un peu brunâtre là. Hein. Mais c'est normal. Oui, c'est un petit peu l'ombre en fait qui la rend comme ça. Parce que quand il y a du soleil, on voit très bien le fond. Elle serait claire là, sans l'ombre. Oui. Sans D'accord. l'ombre, elle serait claire, oui. Donc on utilise l'eau des poissons qu'on amène donc grâce à une pompe sur les légumes. Par contre, après, une fois que l'eau a traversé les bacs de légumes, elle revient par gravité dans les poissons. On n'utilise plus de pompe. Donc l'eau dans laquelle ces poissons nagent en ce moment part là-bas dans la pompe. Et puis ça arrive là-bas sur... c'est pas un goutte à goutte parce que ça coule déjà assez bien. Mais en bout de planche, là, ça pourrait être une planche de jardin en fait, hein, une planche de potager. L'eau arrive là-bas. Et puis alors, tout le long de cette planche, ce sont des billes d'argile, là, cette fois-ci. Oui, c'est un bac de culture en fait rempli de 25 cm de billes d'argile à travers lequel passent 20 cm d'eau en permanence. Les graines vont germer et vont se développer, vont se nourrir non pas à travers le sol, mais à travers l'eau vient des poissons. Et puis ça repart, vous disiez, par gravité, donc pas de pompe, et ça recoule tout doucement. Ça veut dire que l'eau a été épurée au passage par finalement les légumes. Oui, quand les légumes poussent, ils se servent en nutriments, en fait, les nutriments qui se trouvent dans l'eau. Donc ils filtrent, donc ils déchargent l'eau de nutriments et en même temps ils filtrent l'eau des poissons. Là, pour l'instant, vous avez démarré l'année dernière cette ferme d'aquaponie De l'abbaye, je me trompe ? La ferme, j'ai commencé le 1er février de cette année. Ah oui, 2019. Par contre, l'année dernière, j'avais commencé un système chez moi. Oui. C'est ça, déjà la maquette et les tests. Donc là, ça démarre. Qu'est-ce que vous avez pour l'instant là que l'on voit en culture dans les charpentiers ? Ici, dans la nurserie, j'ai 4 bacs de culture destinés à y semer mes graines et à réaliser des plants pour après alimenter ma ferme. Et très concrètement, là, qu'est-ce qui pousse ? Ici, on a des concombres, on a quelques pieds de tomates qui restent parce que la plupart sont partis à la ferme. On a des courgettes, on a ce qui est échalotes, oignons, ail. On a des carottes, des poireaux, différentes sortes de salades. Et pour l'instant, c'est à peu près tout parce qu'on va bientôt commencer à ressemer pour plus tard dans la saison. Ça, c'est la nurserie. Une fois que les plants ont atteint une certaine taille, ils sont repiqués. Oui. On va aller voir ? Oui. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut ? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages. On regarde en bas pour voir son amour qui nage. Mais l'on voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut ? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel, bien plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage. Des plumes en écaille, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut ? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre ? Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours à la ferme aquaponique de l'abbaye, c'est à Chaumouset dans les Vosges, créée par Noémie Charpentier. On vient de quitter la nurserie de légumes et là cette fois-ci on est dans le cœur de la ferme. Alors c'est en fait une très grande serre, il fait en plus très chaud. L'ancien bâtiment où j'imagine, vous expliquiez tout à l'heure Noémie, que vos grands-parents élevaient ici les vaches, donc vous avez gardé la structure, et installé donc des bacs de culture, on peut appeler ça comme ça ? C'est des bacs de culture hors sol. Des bacs de culture hors sol, et quand vous dites hors sol, alors évidemment l'avantage c'est que ici vous êtes, vous travaillez vos légumes debout et non pas à quatre hauteur. Pattes comme malheureusement très souvent les maraîchers. Vous travaillez avec de l'eau de vos poissons tout en naturel. Vous avez expliqué que vous ne pouviez pas avoir le label bio parce que vous étiez hors sol. Et quand on arrive ici, on se dit waouh, c'est quand même assez extraordinaire comme système. Sauf que à la place du sol, ça ressemble un peu à du polystyrène. Alors en fait, il y a de l'eau sur laquelle flottent des plaques de mousse. Donc les mousses sont leur destination première, en fait, c'est des barquettes où on retrouve... Quand vous dites de la mousse, c'est pas qu'on n'imagine pas de la mousse végétale. Hein. C'est, non, c'est... C'est la même mousse que l'on trouve... Sur les barquettes alimentaires pour le conditionnement de la viande, du poisson, etc. Donc l'utilisation a été détournée pour... c'est un matériau en fait qui est très léger, qui flotte sur l'eau, ce qui permet aux légumes de flotter sur l'eau sans être... en tout cas, la partie verte du légume, elle n'est pas en contact direct avec l'eau parce que sinon, il y aurait des champignons, il y aurait des choses néfastes en fait qui se développeraient. Donc c'est très important d'avoir la partie haute du légume en dehors de l'eau et pas au contact de l'eau, mais par contre que les racines des légumes soit bien dans l'eau pour puiser les nutriments qui viennent des poissons. Et toujours, cette eau provient du bac à poissons qu'on a vu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, on imagine, alors cette fois-ci, on est toujours sur des planches de culture Noémie, là, on est sur 15 mètres. 10 mètres. 10 mètres. 2 fois 5 mètres. Je calcule toujours TTC. 2 mètres de large, avec donc ces plaques de mousse. Et alors, au milieu, et un peu comme si c'était des rangs, alors en l'occurrence ce sont des rangs de tomates, au pied c'est une mousse un peu bleutée, oui. Et j'imagine que c'est là-dedans que vous repiquez, en oui. l'occurrence, vos pieds de tomates. Oui, c'est en fait le support qui sert aux légumes à ne pas traverser, à pas passer au travers de la mousse, c'est ce qu'il tient à la surface, et ces petites mousses donc bleues, comme vous le dites, ce sont des mousses en fait, qui me servent à faire la filtration des particules solides de l'eau claire, à séparer les particules solides de l'eau claire de l'eau qui provient de mes poissons. Et comme ce sont des plaques en fait, rectangulaires et que mes fûts de filtration ils sont ronds, il me reste plein de parties non utilisées et que je transforme pour faire ces supports pour les légumes. Et là, ce sont vos premières tomates de l'année? Oui. En tout cas, ici. Elles ont été semées à la ferme tout début mars, donc elles ont poussé à la nurserie, elles ont été réintégrées à la ferme pour finir leur cycle et produire des légumes. Oui, Charpentier, est-ce que vous êtes en train d'inventer l'agriculture de demain? Moi, je me dis finalement, quand je vous vois travailler ici, les poissons rouges, les carpes, l'eau qui travaille en système fermé, puisqu'il y a, à part un petit peu de supplément quand il y a d'évaporation, mais finalement, vous travaillez de façon totalement autonome. Pour l'instant, pas encore de panneaux solaires sur le toit, mais ça pourrait venir. Demain, vous êtes la ferme totalement autonome. C'est l'agriculture de Mars que vous nous inventez là? Je ne sais pas si c'est l'agriculture de Mars, mais en tout cas, ça peut être une agriculture... Quand je dis Mars, ce n'est pas le mois, c'est la planète. Oui, oui. Ça peut être l'agriculture en fait, du futur, autant pour les pisciculteurs que pour les maraîchers, puisque le poisson comme les légumes se complètent en fait en aquaponie. Donc ça peut clairement être l'agriculture de demain, surtout au niveau de l'eau, puisque au niveau de l'eau, on la valorise complètement, on n'en perd pas. Et le seul ajout d'eau qu'on doit faire, c'est ce qui s'est évaporé et ce que les légumes surtout ont utilisé pour pousser. Alors là, pour l'instant, on a vu un bassin de poissons, mais derrière nous, il y a au contraire, il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? 5. 5, décidément. Ah oui, celui-là est un peu plus grand. Oui. 5 bassins qui sont... Alors là, pour le coup, ça pourrait être des piscines. Oui. Des vraies piscines. Hein. Surtout par le temps comme aujourd'hui. Ça ferait du bien. Ce sont là aussi des futurs bacs à poissons. Ce sont 5, en fait, futurs bassins pour les poissons. Pourquoi 5 ? Parce que je vais avoir 5 espèces différentes et le but, c'est de laisser un bassin pour chaque espèce de poisson. Là, à cette heure-ci, j'ai les poissons rouges et les carpes qui sont mélangés, mais quand ces 5 bassins donc, seront opérationnels, ils seront chacun dans un bassin différent pour que les espèces soient séparées et que chaque espèce ait son bassin, en fait. Le projet de production maraîchère de cette ferme aquaponique de l'Abbaye à Chemouzet, Noémie Charpentier, ça va représenter à terme, lorsqu'elle sera en plein régime, quelle quantité, je ne sais pas si les gens arrivent à se représenter, mais par rapport à un maraîcher qui travaille la terre de façon classique. En fait, une fois que le système a tourné donc à peu près une année, une fois que l'eau s'est bien enrichie des excréments de poissons, on produit 2 à 3 fois plus vite que du maraîchage traditionnel. Donc ce qui nous permet, chez un maraîcher, quand il va sortir une salade, nous on va en sortir 2 ou 3. Donc ce qui permet réellement d'optimiser l'espace et avec très peu d'espace, de produire beaucoup. Et les poissons que vous allez utiliser alors moi j'ai presque envie de dire vos poissons en fait, puisque vous travaillez hors sol, vos poissons c'est un peu les vers de terre du sol finalement. Mais ils ont plusieurs rôles en fait, parce qu'ils ont aussi le rôle de l'engrais naturel. Donc dans l'agriculture traditionnelle, on utilise le fumier de vache, de poule ou de chaux. Là, nous, on est sur des excréments de poissons. Et ces poissons proviennent d'où ? D'une pisciculture française, près de Dijon, pisciculture de la Dorme, qui m'a fourni donc ces poissons rouges et ces carpes. Parce que ici, dans les Vosges, on a beaucoup de pisciculture de truites. Mais très peu, en fait, en France, qui font du poisson rouge, la carpe, enfin, d'autres espèces que la truite. Tiens, à propos, pourquoi pas de la truite ? Parce que la truite, comme une température comme aujourd'hui, en fait, elle pourrait pas survivre parce que au-dessus de 18 degrés, oui, au-dessus de 18 degrés, en fait, la truite ne peut pas survivre. Donc, on est obligé de contrôler en permanence son eau, voire de la refroidir quand on a des étés aussi chauds comme celui qu'on a à l'heure actuelle. La ferme aquaponique de l'abbaye Noémie Charpentier que vous avez fondée ici à Chaumouset, c'est vraiment un projet global. Au-delà des légumes et des poissons, vous envisagez aussi de l'accueil du public, de la formation, avec derrière vous et donc devant moi, puisque vous tournez le dos, un projet aussi d'aménagement. On va aller voir. Oui. Décidément, on fait beaucoup de découvertes. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors, en nous rendant précisément, pour l'instant c'est encore en chantier, mais vous allez nous expliquer, Noémie, tout ce que cette partie du bâtiment va accueillir pour la formation, pour le magasin, etc. On passe là devant des bacs d'eau, ça bouillonne dans un des coins, évidemment c'est de l'eau froide, hein, j'imagine que c'est simplement pour oxygéner l'eau, mais ces bacs vont servir prochainement. Ces bacs vont servir prochainement à l'accueil des alevins, puisqu'on n'est pas encore tout à fait prêt au niveau des bassins. Donc pendant 3 ou 4 semaines, j'ai prévu donc des cuves de 1000 litres pour accueillir les alevins, sachant que je vais avoir 4 espèces d'alevins, donc c'est pour ça qu'il y a 4 cuves devant nous. Et donc il faut que les bassins soient prêts d'ici là aussi bientôt ? Oui, donc là on a déjà fait le trou, on a coulé le fond aussi, et on est en train de faire les coffrages pour délimiter chaque bassin. Donc ils seront coulés la semaine prochaine. Et après, on a encore un liner à mettre à l'intérieur. Enfin, on a encore liner, un petit peu de préparation. La bâche, quoi. C'est de la bâche PDM, en fait, destinée aux réserves d'eau potable. Donc c'est de la bâche alimentaire. Par rapport à un maraîcher classique, Noémie, qui est la hantise, forcément, par ce temps-là, c'est l'eau. Vous, vos plants, ils n'ont jamais soif ? Non, ils n'ont jamais soif, puisque on tourne que sur de l'eau. On n'a pas du tout de support de terre. Nous, notre seul support, c'est l'eau. Donc ils ne peuvent pas manquer d'eau. On va aller voir les bâtiments à l'arrière, cette fois-ci, qui sont encore pour l'instant en travaux. Où sommes-nous cette fois, Noémie ? Ici, on est dans le local de transformation, enfin local de préparation pour mes poissons, pour les espèces qui seront dédiées à la consommation. C'est vrai que vous, en tant que maraîchère, Noémie, vous produisez bien sûr des légumes, hein, ce qu'on a l'habitude de consommer, salade, radis, poireaux, etc. Mais en plus, vous pouvez vendre du poisson. Oui. L'objectif, c'est de renouveler le poisson du système aquaponique. Donc, c'est de vendre une fois par an le poisson. Quand mes alevins qui auront eu une année avant de recevoir les nouveaux seront réintégrés aux poissons de la ferme, je devrais me séparer du coup de quelques poissons. Donc, carpe étanche pour la consommation, poisson rouge et carpe coy pour les bassins d'ornement. Donc là, pour l'instant, il faut un peu d'imagination parce que c'est encore en travaux. Vous utilisez essentiellement du bois, Noémie, là, pour ces travaux-là, parce que dans votre démarche, dès le départ, il y a une recherche de responsabilité dans votre production. Oui, et puis de rester le plus naturel possible. Donc toutes les cloisons ont été réalisées en ossature bois. Là encore, imagination, pour l'instant il n'y a que la structure, mais on devine quand même déjà des grandes baies vitrées qui, elles, vont donner sur les bassins de poissons, parce qu'ici, cette salle-là a une vocation particulière aussi. Cette salle-là est destinée à l'accueil du public, donc les familles, les scolaires. Elle est aussi destinée aux formations, aux conseils que je vais délivrer sur l'aquaponie. Et aussi, ça sera une salle que je louerai pour des séminaires, pour des sociétés qui auront envie de faire leur séminaire au cœur de la ferme aquaponique. Parce que ça a déjà démarré. J'imagine que le public doit être assez intrigué quand même. Il y a très peu, je crois, 2-3 fermes aquaponiques, dont la vôtre aujourd'hui en France, Noémie Charpentier. Oui, beaucoup, ça incite beaucoup de curiosité et c'était aussi l'objectif de mon projet, c'est inciter les gens en fait à se demander qu'est-ce que l'aquaponie, puisque en premier lieu quand on entend aquaponie, on pense des poneys dans l'eau. Donc forcément loin, oui. Quand on me dit quoi des poneys dans l'eau, bon, ça me fait rire, mais surtout ça incite les gens à aller voir qu'est-ce que l'aquaponie, parce que des poneys dans l'eau ça leur paraît tellement farfelu qu'ils vont chercher qu'est-ce que l'aquaponie, et là en fait ils se rendent compte que non, effectivement ce sont pas des poneys dans l'eau mais bien des poissons et des légumes. Et puis la salle à côté qui est en construction aussi, qui sera destinée à votre local de vente. Oui, donc ce sera le magasin de vente, la boutique, avec l'accès, donc un parking qui sera créé à l'extérieur. Et la boutique sera destinée à vendre donc mes légumes, mon poisson, mes œufs aussi, parce que j'ai 200 poules plein air. Et l'offre sera aussi complétée avec d'autres produits de producteurs locaux et responsables. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco, coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes, légumes toujours pas poussé. Moi j'ai planté agrumes, agrumes toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres, concombres ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre, à l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc, manioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. Alors moi j'ai planté tapioc, tapioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des nanas, l'ananas ça pousse pas. J'ai tout essayé, le tabac, les grenades, grenades ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Durablement vôtre, Eric Mutschler. Noémie Charpentier, comment est-ce que est né ce projet? D'où ça vous est venu ce projet de création d'une ferme aquaponique, en l'occurrence la ferme aquaponique de l'Abbaye, que vous avez fondée ici à Chaumouset, nous sommes dans les Vosges. En fait, l'idée d'aquaponie remonte à quelques années maintenant, où j'ai déjà passé 2 ans à chercher... ce que j'allais bien pouvoir faire en fait après mes 9 ans chez Debuyer au Val d'Ajol, fabricant mondial d'ustensiles de cuisine, où j'étais responsable de la maintenance et des travaux neufs. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir faire en fait après Debuyer. Et pendant 2 ans, j'ai cherché donc ma future voie et aussi j'avais comme objectif de reprendre la ferme familiale qui n'était plus en activité depuis 14 ans puisque mes grands-parents avaient pris leur retraite. Et j'avais cette volonté de reprendre, donc de faire revivre cette ferme qui était classée agricole. Donc je devais faire une activité agricole, sachant que moi, ma vocation première n'était pas l'agriculture, mais j'ai un diplôme d'ingénieur en microtechnique et mécanique. J'étais plus dans l'industrie, plus dans la technique que dans l'agricole. Donc j'ai mis 2 ans à trouver l'idée en fait, de l'aquaponie qui me permet donc aujourd'hui de reprendre la ferme familiale et de mettre à profit en fait ma technique pour nourrir les gens et produire des légumes, des poissons et sains de façon naturelle. Et cette technique d'aquaponie, elle nous vient d'où? En fait, elle a été l'aquaponie a réellement été développée aux États-Unis depuis les années 70, où il existe plus de 3000 fermes aquaponiques aux États-Unis. Donc c'est bien la preuve que l'aquaponie fonctionne et qu'elle peut durer aussi dans le temps. Par contre, les Américains ont essayé de tourner l'aquaponie de façon industrielle, parce que c'est des Américains. C'est dans les jeunes. Donc aujourd'hui, les fermes en fait, qui ont résisté, c'est celles qui sont restées de taille humaine et le plus naturelle possible, donc sans éclairage artificiel. Et tout ce qui a été développé dans des hangars industriels avec de l'éclairage artificiel, plusieurs étages, où ils devaient aller récolter avec des nacelles, etc. Tout ça n'a pas abouti, en fait, n'a pas duré dans le temps, parce que c'était, la gestion était trop, trop compliquée. L'aquaponie, il faut vraiment que ça reste à taille humaine et en circuit court aussi, puisque c'est ce que les gens recherchent. Quand vous dites à taille humaine, quand, je ne sais pas, vos collègues, comme vous maraîchez, quand vous leur dites le montant de votre investissement ici, c'est sans commune mesure, malgré tout, avec une ferme maraîchère classique qui a quelques serres, non ? Quel est votre budget ici, Noémie ? En fait, le budget ici est de 300 000 euros, mais ça comprend la ferme, donc la production des légumes, du poisson, mais aussi le local donc, que j'ai destiné à la réception du public, la boutique, la salle de formation, le local de transformation. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est sûr que l'investissement de départ en aquaponie est beaucoup plus élevé que du maraîchage traditionnel, mais après, on a besoin de moins de main-d'œuvre. On a aussi des conditions de travail qui sont favorisées, parce qu'on travaille à hauteur, donc on n'a pas besoin de se baisser, on n'a pas mal aux genoux, au dos, et on n'a pas aussi besoin de machines agricoles, puisque tout, c'est que du travail manuel, en fait. Et en même temps, on n'a pas arrosé tous les jours, on n'a pas arraché l'herbe, on n'a pas désherbé. Enfin, il y a beaucoup de tâches ingrates qui disparaissent grâce à l'aquaponie. Et comme je le disais au tout début, c'est vraiment le moins d'intervention humaine sur le système. C'est laisser le système se gérer par lui-même. C'est arriver à un équilibre entre les poissons et les légumes qui font que le système va se gérer par lui-même et qu'on aura le moins d'intervention possible à faire. Or, bien sûr, les semences, les semis, on est obligé de les faire soi-même. Les récoltes de légumes, on est aussi obligé de les faire, mais c'est toutes des tâches valorisantes, c'est pas... Et puis comme vous dites, à hauteur, puisque les planches de culture en l'occurrence sont, ça vous permet de travailler debout. Sont à 80 cm du sol, donc on travaille debout sans se plier. Néanmoins, 300 000 euros d'investissement, Noémie Charpentier, vous avez pour démarrer aussi fait appel, alors ça n'a pas suffi bien sûr j'imagine, mais malgré tout, vous avez lancé un appel à financement participatif. Oui, le point de départ de mon projet a été un financement participatif, ce qui m'a permis de voir aussi si les gens allaient adhérer à mon projet, si je collais vraiment dans l'air du temps et si mon projet n'était pas trop farfelu non plus, quoi. Et en fait, donc fin d'année dernière, j'ai lancé un financement... 2018, hein. Oui, 2018. J'ai lancé un financement participatif sur la plateforme Mimosa, avec deux I, donc plateforme dédiée à l'agriculture moderne, responsable. Et donc grâce à ce financement participatif-là, qui avait comme objectif de rénover donc la nurserie, l'ancienne salle de traite de mes grands-parents. Qu'on a vu tout au début, oui. Oui. J'ai eu donc comme don 18 000 euros et j'ai touché plus de 130 personnes qui ont contribué à mon projet. Ça doit faire du bien, ça, non ? Comme ça, quand on reçoit ça des sous d'inconnus, finalement, qui vous donnent des sous, parce que tout simplement, ils veulent soutenir votre projet. Oui, c'est vraiment de là que j'ai reçu beaucoup de soutien et que ça m'a permis d'arriver aujourd'hui où j'en suis. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes à ouvrir, énormément de démarches administratives. Quand on va voir les gens, ben, on ne rentre pas dans les cases puisque la coponie n'est pas connue. C'est un mélange de pisciculture, de maraîchage, donc du coup, ben, on est entre deux. Ils ne savent pas trop où nous caser et c'est vrai que d'avoir l'appui de toutes ces personnes derrière aide énormément à avancer et puis à ne pas baisser les bras aussi. Malgré tout, 18 000 euros sur un budget global de 300 000, ça ne suffit pas. Qui apporte le reste du financement ? Les 300 000 euros sont donc entièrement empruntés à une banque. Et sachant que donc, les négociations avec les banques... ont été compliquées, ont été très longues. Et le soutien aussi, l'apport que j'ai pu avoir grâce au financement participatif m'a permis donc de rénover le bâtiment, de montrer du concret aux banquiers, puisque j'avais déjà des plantes qui poussaient, j'avais déjà un bâtiment complètement équipé, donc c'était beaucoup plus concret. Il a dû quand même, le banquier, être surpris par votre projet. Non, déjà que les banquiers, en général, n'aiment pas trop les projets novateurs, sauf si on est sûr que ça rapporte beaucoup. Mais là, une jeune femme en plus qui s'investit dans de l'aquaponie, ça a dû un peu les déstabiliser quand même, non ? Oui, bah au début, en fait, il se demandait un petit peu ce qu'était l'aquaponie au tout départ. Après, c'est pour ça que je les ai fait se déplacer. Je leur ai montré concrètement qu'est-ce que l'aquaponie. J'avais aussi créé une vidéo de présentation donc, qui me présentait, qui présentait mon projet, qui présentait aussi ce que j'avais envie de faire. Donc ça aussi, ça les a beaucoup marqués. Et puis, un dossier carré, béton aussi à présenter. Alors, sachant qu'on ne peut pas trop se baser sur des chiffres, puisque l'aquaponie n'est pas assez développée encore en France pour avoir des chiffres concrets, bien posé et fiable, et il a fallu persuader autrement que par des chiffres la banque. Quoi. Avec dans votre idée aussi, Noémie Charpentier, de ne pas forcément devenir de plus en plus important, mais au contraire d'essaimer, d'où d'ailleurs aussi votre centre de formation. Oui, mon objectif c'est de créer cette ferme, mais de ne pas l'agrandir. Par la suite, elle ne sera pas plus grande que ce qu'elle va exister. Et mon objectif c'est clairement de permettre à d'autres personnes de créer sa ferme, ou alors de développer un système aquaponique chez eux parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un jardin traditionnel, parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de temps à passer à s'occuper de leur jardin. Du coup, un système aquaponique ne demande pas énormément de temps au quotidien en gestion. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer le développement de petites unités aquaponiques individuelles à la place d'un potager ? Oui, complètement. En plus, ça permet d'avoir du poisson, d'avoir des légumes, d'avoir une zone aussi zen à côté d'une terrasse ou alors en intérieur avec une circulation d'eau, mais en cycle fermé, bien sûr, comme ça on n'en perd pas, on la valorise et on crée un espace vert, en fait. Dans votre business plan, parce que quand on vous écoute, Noémie Charpentier, on est assez frappé, on a l'impression que tout ça coule de source, sans mauvais jeu de mots. Dans le projet, entre la part de poisson dans le revenu hein, de votre business plan, la part des revenus et des légumes, quel est le rapport ? Les légumes sont clairement majoritaires, parce qu'ils doivent représenter 80% de mon chiffre d'affaires. Le reste, c'est des poissons, mais il y a aussi des poules. Oui. Il y a les œufs aussi, issus de mes poules plein air. J'ai 200 poules plein air puisque j'avais 1200 m² de terrain en fait attaché à la ferme, sauf que moi j'utilise pas de terre pour faire pousser mes légumes. Donc j'y ai mis 200 poules forcément plein air et comme ça je propose à la vente des œufs de poules plein air en plus des légumes et du poisson. Le ciel est gris, la pluie s'invite, comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies s'ouvrent en cadence, comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. Elle hausse la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. Et elle nous chante sa grande chanson, l'inondation. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. les passants se pressent, pressent sans attendre. Et donc, et donc, et donc, c'est chaud. Et donc, et Noémie Charpentier, vous nous avez déjà, on a déjà compris à travers votre propos que vous avez une formation d'ingénieur qui vous a permis aussi, j'imagine, ça a dû contribuer à la création de la ferme aquaponique de l'Abbaye, ici à Chaumouzet, dans les Vosges. Mais j'aimerais que vous reveniez rapidement sur votre formation, parce qu'au départ, elle n'a pas vraiment de rapport avec l'agriculture. Non, pas du tout même. Donc moi, j'ai eu un diplôme d'ingénieur à l'ENSEM de Besançon, en mécanique et microtechnique. En effet. Donc rien ne me prédestinait en fait à revenir à l'agriculture. Mais c'est clairement le fait de vouloir reprendre la ferme familiale, le fait de vouloir toujours développer ma technique, toujours créer énormément, améliorer et en restant naturel. À propos, pourquoi n'avoir pas choisi justement une formation plutôt agricole ou agronomique ? Parce que j'ai grandi dans la ferme de mes grands-parents, mais l'agriculture à l'époque ne m'attirait pas du tout, donc j'avais pas... l'intention de reprendre la ferme en fait familiale. Et c'est depuis que j'ai découvert l'aquaponie que l'agriculture me passionne énormément, parce que je peux y développer pleinement ma technique. Alors je disais aussi tout à l'heure qu'en vous écoutant, et on est là dans votre ferme aquaponique de l'Abbaye à Chaumouzet, tout paraît simple, voilà, c'est comme si vous découvriez un jour une envie, je dis tiens, je vais faire une ferme aquaponique, et puis voilà, je vais voir les banques, j'obtiens 300 000 euros. Je vous soupçonne, Noémie, que les choses soient malgré tout, malheureusement, peut-être pas aussi simples quand même. Non, c'est pas aussi simple que ça. Après, c'est vrai que quand j'ai découvert l'aquaponie, pour moi, ça a été réellement une évidence. Je savais ce que je voulais faire par la suite, je savais que je voulais faire de l'aquaponie. Par contre, après, persuader les gens qu'on peut faire des légumes en dehors du sol, ne pas avoir besoin de terre, en fait, pour faire des légumes, ça a été très compliqué. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi, dès l'année dernière, dès que j'ai découvert l'aquaponie, en fait, de créer une maquette chez moi, puisque j'avais déjà cette passion des poissons. Donc j'avais déjà un bassin qui était en place, qui était fonctionnel. Donc j'avais des bacs de culture à rajouter tout autour et à utiliser donc l'eau de mes poissons pour faire pousser les légumes. Mais c'est vrai que la technique et cette symbiose à atteindre entre les poissons et les légumes, c'est pas si simple que ça, en parler comme ça et montrer le système qui est déjà en fonctionnement, ça peut paraître simple, mais derrière, il y a de la technique à acquérir et il y a tout un cheminement d'eau, une gestion aussi des poissons, des légumes à atteindre. Et c'est aussi peut-être là que vous utilisez précisément votre savoir ou compétences d'ingénieur ? Oui, et puis beaucoup d'observations. C'est énormément d'observations et du coup, après savoir, d'après ce qu'on a observé, comment améliorer les choses et comment agir. Mais le plus important, en fait, en tout cas moi, dans ma formation d'ingénieur et dans ce que j'ai voulu aussi mettre en place pendant 9 ans chez Debuyer, c'est de faire le plus simple possible. Parce que faire des usines à gaz, ça, beaucoup de gens sont capables de le faire. Mais par contre, rester simple, rester fonctionnel, avoir le moins d'interventions humaines à réaliser, ça devient très, très compliqué. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien en installant ce système aquaponique à la ferme. C'est qu'au départ, je peux partir avec encore quelques opérations manuelles. Mais le but, c'est vraiment d'améliorer et de rentrer dans la simplicité. Au fait, Noémie Charpentier, je m'aperçois qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, puisqu'on parle d'aquaponie, c'est la provenance de l'eau. L'eau provient de l'eau de pluie, puisque j'ai refait complètement mes toits en transparent, donc je suis sur du polycarbonate, donc j'utilise ces plaques de polycarbonate comme support et comme ruissellement de l'eau de pluie, que je récupère dans une citerne qui sera enterrée à la ferme, qui aura une capacité de 10 mètres cubes. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur. Donc, Noémie Charpentier, créatrice de la ferme aquaponique de l'Abbaye à Chaumouset dans les Vosges, vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Les deux. Allons-y. Le coup de cœur, en fait, c'est clairement la relation que j'ai avec les gens et le soutien que les gens m'apportent, parce que j'avais un petit peu perdu, en fait, dans l'industrie. C'est beaucoup de monde qui se tire dans les pattes, qui essaye de tirer la couverture à eux. Ah tiens, qui l'a cru. C'est compliqué, surtout quand on est une femme au milieu d'hommes. En plus. Mais là, grâce à mon projet d'aquaponie, en fait, j'ai eu énormément de soutien. C'est d'ailleurs pour ça que mon projet a pu voir le jour. Et c'est clairement les relations humaines... clairement le coup de cœur que j'ai eu avec l'aquaponie. Ça vous a surpris, ce soutien? Oui, complètement. Ouais. Et cette solidarité aussi. Ouais. Vous avez pu, alors quand on lance un appel à financement participatif, on dit souvent qu'il faut avoir un réseau pour pouvoir obtenir des sous. Vous, ça n'a pas été tellement le cas. Non. Des gens qui vous ont aidé, qui ne vous connaissent absolument pas, et peut-être de partout en France et même ailleurs? Oui, des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, et que par la présentation en fait de mon projet, certainement aussi de ma personnalité, ont souhaité soutenir mon projet. Alors il y en a que c'est financier parce que ils avaient de quoi soutenir financièrement mon projet, mais il y en a d'autres qui n'avaient pas les moyens et qui soutiennent mon projet autrement, en m'aidant d'autres façons. Vos parents, vous ne voulez pas les déranger parce que là, ils sont en plein de travaux. Et votre famille, Noémie Charpentier, comment est-ce que la famille a réagi, votre entourage? Parce que, voilà, le projet est quand même singulier. Maintenant, évidemment, on le voit en œuvre, donc on ne peut qu'être épaté par ce que l'on voit. Mais quand on est dans la partie théorique en disant, tiens, je vais faire des légumes à partir de poissons, ça ne saute pas aux yeux de tout le monde. Bon, au début, ils étaient sceptiques, mais après, quand j'ai réalisé donc, un système aquaponique chez moi, ils ont vu que ça fonctionnait. Donc, après, quand je leur ai dit que je voulais quitter mon job, un CDI d'ingénieur, pour me lancer complètement dans l'aquaponie avec un budget de 300 000 euros. Là, on appelle le docteur. Mais ils ont réellement vu que ça fonctionnait, que ça me passionnait, qu'ils me connaissent aussi, ils connaissent mon parcours, etc. Ils savent comment je suis et que je suis quand même quelqu'un de raisonné. Donc, ils m'ont complètement suivi. Sans sans aucun frein, sans interrogation, ils m'ont complètement. Et puis ça continue, hein, parce qu'ils sont tous là. Oui. D'ailleurs, à propos, vous avez de très jolis mugs qui sont déjà à l'effigie de la ferme aquaponique de l'Abbaye. Et en dessous de chacun des mugs, il y a des prénoms. Oui, ce sont les prénoms des gens en fait, qui viennent m'aider pour réaliser les travaux de la ferme. Comme ça, chacun a sa tasse. Et puis, quand on boit un coup ensemble, on retrouve nos tasses. Alors, vous êtes non seulement ingénieur, mais vous êtes en plus ingénieuse. Ça, c'était votre coup de cœur, Noémie, coup de gueule? Coup de gueule, clairement, c'est l'administratif. Tiens. Ça peut paraître bizarre en France. Décidément, de problèmes administratifs. Je pars de surprise en surprise. Mais clairement, c'est l'administratif. Et encore à l'heure aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est encore l'administratif qui me pose le plus de problèmes dans mon projet. Parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Parce que chacun se renvoie la balle. Et du coup, on a des milliers d'interlocuteurs et pas de réponse. Donc ça, j'ai passé un temps fou à trouver la bonne personne déjà et après avoir une réponse. Malgré le choc de simplification? Oui. Très concrètement, par exemple, un exemple. Parce qu'en plus, il faut dire aussi que vous allez vous chercher un peu les difficultés, oui. Hein, créer de l'aquaponie, quelle idée aussi. On pourrait imaginer que finalement l'administration se dise « mais c'est génial, il faut soutenir ». J'imagine que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bah en fait, c'était presque comme ça. Mais quand je contactais donc une personne, un contact que j'avais eu, soi-disant la personne à contacter pour répondre à ma question ou pour m'aider dans ma démarche, cette personne-là était très intéressée, donc je passais des heures à lui expliquer pour qu'à la fin, me disent, mais en fait, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon collègue. Donc après, je appelais le collègue. On croit souvent que ce sont des gags, que ce sont des sketchs. En fait, non, c'est la réalité. Non, c'est clairement la réalité. Du coup, il me repassait à un autre contact. Je rappelais le contact là. Il y avait encore la même démarche, des heures à expliquer mon projet. Beaucoup de questions parce que ça interroge beaucoup. Et ça se passait comme ça. Et des fois, j'avais 10 personnes avant de retomber sur la première personne. On faisait la boucle et on retombait sur la première personne. Voilà, c'est un système donc fermé, ça, c'est comme l'aquaponie. Oui. Sauf qu'on n'aboutit pas. C'est un système fermé, mais qui crée rien du tout. Et ça, c'est compliqué. Et ça, il n'y aurait pas moyen de le changer, parce qu'on parle beaucoup de création d'emplois, de, là aussi de transition, d'inventer des nouveaux métiers. Est-ce que la France est le bon pays pour ça? Vous n'avez jamais pensé à aller ailleurs, Noémie Charpentier? Alors évidemment, la ferme, elle est en Limoges. Ah oui, oui, c'est vrai que Bouzet, pour moi, c'était là ou pas que je devais développer mon projet. Mais ça a été très très compliqué, et sans le soutien de dizaines de personnes, en fait, ça aurait été, je pense que j'aurais pu abandonner bien plus tôt, à cause de l'administration. Ça aurait été quand même un comble que l'administration vous coule votre système d'aquaponie. Noémie Charpentier, vous ne seriez pas aujourd'hui à la tête de cette entreprise, de cette ferme aquaponique que vous avez créée à Chebouzy, la ferme de l'Abi. Vous feriez quoi? Je ne sais pas ce que je ferais. Parce que c'est sûr que je serais plus chez Debuyer. Parce qu'au bout de 9 ans, bah, j'avais fait le tour de ce que je pouvais apporter à Debuyer. Mais sans l'aquaponie, je ne sais pas ce que je ferais. Clairement, aujourd'hui, c'est l'aquaponie. Et au moment où vous vous posiez la question, vous n'avez pas eu d'autres idées, d'autres pistes, vu le bâtiment, alors quelques terres aussi, je ne sais pas, je dis l'élevage de chèvres, c'est beaucoup à la mode. En fait, ici, donc, on est sur un site classé, donc on ne peut plus faire d'agriculture avec des rejets, on est obligé de rester propre. D'où le fait que l'aquaponie, avec l'aquaponie, j'ai pu reprendre la ferme familiale. Mais avec des vaches, des chèvres, j'aurais pas pu. Alors, ce que l'on, je ne sais pas si on entend à l'arrière, c'est bien sûr vos parents là qui, sur les travaux. Qui travaillent, oui. Pendant qu'on vous prend votre temps au micro. Est-ce que vous avez déjà des maraîchers ou des agriculteurs qui sont venus voir cette ferme, de la ferme de demain, cette ferme aquaponique ici à Chemouzé, Noémie Charpentier? En fait, j'ai eu des contacts avec des maraîchers, des agriculteurs, mais ils ne sont pas forcément déjà venus à la ferme voir ce que ça pouvait donner. Eh bien, il faut qu'ils viennent. Oui. Merci Noémie Charpentier. Merci. Voilà pour ce reportage sur la ferme aquaponique de l'Abbaye à Chemouzet dans les Vosges, avec sa fondatrice et gérante Noémie Charpentier. Pour en savoir plus, découvrir l'aquaponie, culture maraîchère en symbiose avec les poissons, rien à voir donc avec les poneys, je confirme, visiter la ferme, acheter bientôt les premiers légumes et ou suivre les formations, rendez-vous sur l'avenir est dans l'assiette, toutattaché.fr. Vous avez pu écouter Dans l'ordre, Un petit poisson, un petit oiseau par Juliette Gréco, paru sur la face A du 45 tours, sorti en 1966. Plantation par le groupe mauricien Cana, paru sur l'album éponyme, sorti en 2000. Et enfin La pluie par Zaz, sorti en clip vidéo en 2012. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr. Thank you.